بسم الله الرحمن الرحيم. سنقول اليوم في سورة هود عليه السلام. سورة هود في المسألة 89 89 مسألة في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Dans le sens où Allah dit que celui qui veut la vie de ce bas monde, ainsi que sa parure, nous lui rétribuerons leurs œuvres, et eux, ils n'y seront point, et sans que rien ne leur soit diminué. Nous leur rétribuerons en cette dunya par leurs œuvres, et que rien ne leur sera diminué. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته كالصدقة والصلة الرحيم وكراء الضيف والتنفيس عن المكروب في الدنيا دون الآخرة، لأنه تعالى قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني الحياة الدنيا. Donc ce noble verset montre que le kafir, le mécréant, également sera rétribué, sera récompensé par ses bonnes actions, comme les sadaka qu'il pourrait faire, ou l'entretien des liens de parenté, ou le bon accueil de l'invité, ou le fait de secourir l'affligé dans cette dunya, mais pas dans l'au-delà. L'Annahu ta'ala qal, car Allah, dans le sens, il dit na'am, nous le rétribuerons, c'est-à-dire de leurs œuvres en cette dunya. Nous les rétribuerons de leurs œuvres en cette dunya. ثم نص على بطلانها في الآخرة بقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. Et qu'à la fin du verset, il dit que cela justement est invalide dans l'au-delà, dans sa parole où il dit, dans le sens, ceux-là sont ceux qui n'auront dans l'au-delà que le feu, et tout ce qu'ils ont œuvré, il sera annulé. Hud, verset 17. Et le verset d'aujourd'hui, je crois que je ne l'ai pas lu, c'est Hud, verset 15. Et là, le dernier, c'est pas 17, c'est 16, Afouane. Le verset du jour, c'est 15. Et là, le verset que je vais dire en dernier, c'est 16. قال ونظير هذه الآية قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. Et également dans les versets qui ont le même sens, dans la parole où Allah est dit, dans le sens que celui qui veut labourer le champ de son futur, nous lui rajouterons dans son champ. Quant à celui qui veut labourer de son champ de cette dunya, nous le donnerons carrément, également, c'est-à-dire dans cette dunya. Surat Shura, consultation verset 20. وَقُولُوا تَعَالَى وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. Que le jour où nous exposons ceux qui ont mécru au feu, nous leur dirons: vous avez dissipé vos bonnes œuvres dans ce bas monde. C'est-à-dire les bonnes œuvres dans le bas monde, dans le feu, elles sont parties. Et c'est à deux versets. Mais pour écourter, la masala car c'est un peu longue, nous restons dans le même sens. Thumakal, وَقَدْ صَحَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ الْكَافِرُ جَازَ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا. Qu'il a déjà été venu, il est venu authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que le kafir sera rétribué de ses bonnes actions en cette dunya. Comme cela est dans le hadith de Anas, muslim, là il est pendant le livre, je cite dans la hachia en bas, quand le nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna al kafir iza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan min al dunya. Que le kafir, si jamais il fait une bonne action, il en sera yani nourri en ce bas monde. C'est-à-dire qu'il en tirera du risque. Et dans une autre version, il y a un kafir qui a été fait pour l'Allah dans la vie. Hatta idha afda ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Il dit: quant au mécréant, il sera nourri justement par ses hasanat qu'il aura accompli pour Allah. Là, il précise pour Allah en cette dunya. Et lorsqu'il viendra au feu, dans l'au-delà, ces hasanat-là ne lui seront plus comptées. Elles ne valeront plus rien. Ah non. Donc c'est ce hadith dont fait allusion l'auteur. قال مع أنه جاءت آية أخرى تدل على بطلان عمل الكافر وإضمحلاله في أصل من أصله، وفي بعضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في كفر الردة وفي غيره. Et dans d'autres versets, il est venu justement que l'œuvre du kafir est invalide de sa base, qu'elle disparaît de sa base. C'est-à-dire dans la dunya et dans l'akhira. Et là, il dit que cela concerne l'apostat et autre que l'apostat. Parmi les hadiths qu'il dit, qu'à la base, ces œuvres sont annulées depuis leur base. Quand Allah Ta'ala, A'malahum kalamadin shtaddat bihi rih fi yomin asif. Que dans le sens, Allah dit que leurs œuvres sont comme de la cendre frappée par du vent dans un jour de tempête. Ibrahim, verset 18. Kakolihi, A'malahum kasarabin. Kazali, comme de la poussière. Surat Nur, verset 39. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا. Qu'il dit que nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière. El Furqan, discernement, verset 23. Donc là, ça montre que l'œuvre de sa base, elle est rejetée. وأما الآية ودلت على بطلانه في الدنيا مع الآخرة فكقوله في كفر المرتد ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. Maintenant les versets qui démontrent que son œuvre elle est annulée en cette dunya et également dans l'au-delà. La parole dans le sens où il dit que celui qui apostate de parmi vous de sa religion et qu'il meurt en étant mécréant, celui-ci, ses œuvres seront annulées en cette dunya et dans l'akhira. Al-Baqarah, verset 217. Ça c'est à propos de Murtad, celui qui est apostasié. Et dans l'autre, celui qui n'est pas Murtad, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ إِلَيْ قَوْلِهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Qu'il dit à propos de celui qui aura mécru envers Allah Azza wa Jal, il dit cela dans le sens, leurs œuvres seront annulées dans ce bas monde et dans l'au-delà, et ils n'auront point de secours. Al Imran, versets 21 et 22. ثم قال وبين الله تعالى في آية أخرى أن الإنعام عليهم في الدنيا ليس للكرام بل للاستدراج والإهلاك كقوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Donc et dans l'autre verset Allah a bien montré que le fait qu'il leur accorde des bienfaits en cette dunya, cela n'est pas pour les honorer, pas du tout, mais pour l'estidraj, c'est-à-dire le fait de les amener par échelon vers le mal et pour leur perdition et leur perte. Dans sa part dans le sens où il dit nous allons les emmener par échelon de là où ils ne s'y attendent pas. Et je leur accorde un délai, certes mon stratagème est fort et solide. Al-A'raf, versets 182 et 183. Et surat al-Qalam, la plume, versets 44 et 45. Kakoulihi ta'ala, wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim, innama numli lahum li yazdadu ithman wa lahum 'adhabun muhin. Et qu'il dit dans le sens que ne pensent pas ceux qui ont mécru que nous leur accordons un délai, que cela est un bien pour eux. Juste, nous faisons cela pour qu'ils rajoutent encore plus de mal, plus de péchés, et ils auront un châtiment avilissant. Al Imran, verset 178. كَقَوْلِهِ تَعَالَى كَذَلِكَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Dans le sens où Allah dit que lorsqu'ils ont oublié ce qui leur a été rappelé, nous leur avons accordé des parts de toutes choses, à tel point qu'ils s'en sont réjouis de ce qu'ils ont reçu. Et ensuite, nous les avons pris soudainement, et les voilà donc dans la confusion. C'est-à-dire qu'Allah leur a tout accordé, ils furent heureux de ce qu'ils ont reçu, pour être mieux saisis par la suite. Et d'autres versets qui citent par la suite sur le même sujet. قال والجواب من أربعة أربعتي أوجه. Donc maintenant il dit qu'on peut répondre à cela de quatre façons. الأول ويظهر لي ثوابه للدلالة ظاهر القرآن عليه. Donc la première réponse est celle qui paraît comme étant la correcte pour l'auteur يقول أن من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا كما دلت عليه آية وصح عن به الحديث ومنهم من لا يثيبه في الدنيا كما دلت عليه آية أخرى وهذا مشاهد فيهم في الدنيا فمنهم من هو في عيش راض ومنهم من هو في بؤس وضيق. Donc il dit, comme le prouve le Coran, que les kuffars, en fait, parmi eux, certains à qui Allah leur accorde un bienfait pour leurs œuvres en cette dunya, comme le montre le verset clairement, ainsi que le hadith qu'on a cité au début, et d'autres à qui Allah ne donne rien du tout. Et ça, c'est une chose qui est constatée dans la réalité. Dans cette dunya, que parmi les kuffars, certains sont à l'aise dans le confort et d'autres sont vraiment dans l'étroitesse. Tu vois des gens qui sont, comme on dit, richissimes, parmi les kuffars, ils sont très nombreux, et t'en vois d'autres qui n'ont rien du tout. Comme les sans-abri, comme les clochards, ces gens-là qui n'ont rien du tout. Même pas un toit. À peine des vêtements. كذلك. قال ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة في قوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. Donc en fait, il dit que les versets généraux, d'accord, ont été par la suite spécifiés par la volonté d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire, en fait, il donne à qui il veut. Même parmi les kuffars. Certains à qui il donnera, et certains à qui il donnera pas. Dans le sens où il dit, et celui qui veut, c'est-à-dire ce bas monde, nous lui accorderons cela, quand même, parmi ce que nous voulons, pour qui nous voulons. C'est-à-dire, de ce que nous voulons, pour qui nous voulons. Al-Isra, le voyage nocturne, verset 18. قال فهي مخصصة لعموم قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم وعموم قوله تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. Donc ce verset-là spécifie. طيب, les autres où Allah il dit qu'il leur rétribuera leurs œuvres. Dans d'autres il dit que celui qui veut labourer son champ pour cette dunya, nous lui accorderons de son champ. Surat al-Shura, verset 20. Donc ce verset-là qu'on vient de citer maintenant là est un tarsis. Des versets qui, eux, paraissent comme étant généraux. Et il dit, parmi ceux qui ont justement vu ce tarsis, il y a Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, qui le cite. Naam. Donc là, on va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Et on citera les trois autres réponses dans le Ders, Fidars Qadim. Inch'Allah, dans le Ders qui viendra par la suite, Inch'Allah Ta'ala. Donc là, l'auteur, la première réponse, qui est celle qui lui paraît comme étant la plus correcte, c'est que Allah donne à certains et pas à d'autres. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala alam wa alhamdulillah bil alamin.